dans un banquet cannibale. Qui mangerais-tu ? Quel état est ton esprit en ce moment? Dans quel état est ton esprit en ce moment? Dans quel état est ton esprit en ce moment? Dans quel état est ton esprit en ce moment? Comment aimerais-tu mourir? Raconte un souvenir stressant. Ce soir, un peu lâcher l'eau, ça n'a rien de notre étoile. C'est 3-4 doudes qui font un peu ce qui me passe par la tête. C'est pas que ça va faire la job. C'est pas parce que pour nous autres, ça fait la job. Ça fait la job. C'est pas que ça va faire la job. Raconte un souvenir très ancien. Servent les autres, une phrase qui est scandée dans cette pièce de Stéphane Boucher qui s'intitule Questionnaire, une pièce qui évoque, je dirais, cette performance qu'il